Yeah. Ce soir, grand soir, on se met bien, bien, bien. C'est ça qu'on aime. Mr. Yugataga. C'est ça, papa. Pushino Airlines. Le frérot est libérable. On fait ça, se parler là. La chaleur invivable, j'ai inventé une marinade. Des épices de Ketama, qui est l'ingrat, qui a pétama, caipirinha. On me calme à la Sensemilia. Les braises rougissent comme des Lamborghini. On soufflera des bougies, il y aura quelques bikinis. Pas de cigarette crue, oh non, jamais. Poteau annule tout, viens même en touk-touk. Ce soir c'est barbecue. L'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, l'aile ou la cuisse. Balance-moi l'aile ou la cuisse, barbecue, ouais ça c'est la vie. On laisse le blanc pour celles qui font régime et font de la chine. Mets-moi de la sauce, y'a qui pique, ketchup, mayo, frais, c'est magique. Et suis pas timide, non seulement ce que tu veux, l'aile ou la cuisse. Ne te mets pas de limite, l'aile ou la cuisse. Même les méchouis, échouis, l'aile ou la cuisse. Ils disent que c'est de la junk food, j'ai dit que c'est de la soul food. L'aile ou la cuisse. Comme des citrons potons, on est pressé. Les poulets, on est venu les braiser. Calme, calme, faut pas me stresser. Zama, ils sont venus pour tester carpaccio finement coupé, brochette de bœuf de Kobe. On arrive à 113 au barbac comme ma père, il me calme au Kobe. On va se faire un petit peu retété. Ramène de la menthe, ma jolie. Y'aura des frères de Lyon, de Paname, de Nantes. Des frères de menthe, la jolie. Big up à Armand de Brignac. On a sorti de belles bouteilles. J'ai plus la poquée sur les eaux comme le loutage en de la fontaine. Grâce à Dieu, j'ai bien grossi. Je continue à me remplir la bidoche cette année. J'ai même pas fait de go-face. Mais y'a toujours l'eau face qui me filoche. Hier, je remplissais des bons de cantine. Aujourd'hui, je me farcis les poches. Du dispatching, go dispatching. Obligé de faire kiffer mes proches. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Balance-moi l'aile ou la cuisse. Barbecue, ouais, ça c'est la vie. On laisse le blanc pour celles qui font régime et font de la chine. Mets-moi de la sauce, chien qui pique. Ketchup, mayo, frites, c'est magique. Et c'est pas timide, non seulement ce que tu veux, l'aile ou la cuisse. Ne te mets pas de limite. Salade pour les vegans, t'inquiète bientôt, elle est légale. Plus de bateaux, ni de métal, plus de frérots qui tirent en bécane. Oh.